Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 2. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier tous pour les bons commentaires que vous avez eus à mon égard et puis sur l'épisode 1, dans le fond. Comme j'expliquais, ceci est un vlog, donc c'est moi qui vous parle directement, comme si on avait une discussion ensemble. Et puis, je sais que ça serait vraiment super intéressant puis vraiment le fun si j'ajoutais plein de visuels, puis des tops, et puis des chroniques, et puis tout un million de paquets d'affaires. Sauf que j'ai pas une semaine pour faire ça, malheureusement. J'ai pas une équipe pour me backer non plus. Puis c'est ça, fait que dans le fond, le but, c'était vraiment juste de faire une chronique de mes semaines dans le monde du jeu vidéo. Là. Fait que ça me convient comme ça, ça convient à tout le monde. Et puis, c'est bien plaisant, puis on verra plus tard, peut-être si ça évolue, je sais pas. Mais pour l'instant, je vais continuer comme ça. Et puis, n'oubliez pas aussi que j'extrais l'audio de ces épisodes de chez Papa Cassette pour ajouter à mes podcasts, dans le fond. Donc, si vous êtes abonné au podcast de Papa Cassette sur iTunes, sur Spotify, très, très, très pratique, sur rzoweb.com, Google Play. Donc, vous allez voir, ça s'ajoute là, à la suite des autres. Soudainement, ça sort de sa léthargie, ce podcast-là, et puis ça ajoute du stock. Fait que ça s'écoute bien en audio, c'est ça, là, ces épisodes-là aussi. J'ai essayé dans mon char, puis ça a très bien été. Alors, voilà, donc merci encore, et puis on continue. Aujourd'hui, d'abord, je voulais prendre le temps de remercier Alex Royer, qui a écrit un commentaire qui m'a envoyé un commentaire sur YouTube. Dans le dernier épisode, je parlais du jeu Operation Logic Bomb au Super Nintendo, un jeu que j'ai découvert dernièrement puis que j'aime beaucoup. Et puis, dans le fond, je disais qu'un problème de jeu-là était qu'on ne pouvait pas tirer en diagonale puis garder la position barrée comme ça. Or, c'est faux! Il m'a dit qu'on pouvait en tenant right, le shoulder pad R. Donc, la seule affaire, par exemple, c'est que c'est pas... faut pas que tu tires. Faut que tu tiennes le bouton, puis après, tu peux tirer. Fait que moi, je tirais tout le temps, puis après ça, je pesais sur le bouton, ça marchait pas. Donc, faut pas que tu bouges. Ben, tu peux bouger, mais il faut pas que tu tires. Tu barres la position, puis là, ton personnage va pouvoir tirer dans cette direction-là. C'est pas parfait, je dirais, comme façon, comme exécution, là. C'est un peu niaiseux, ça devrait être en tout temps que tu peux comme juste locker ta position. Mais c'est mieux que rien. Et puis, j'ai réessayé le jeu suite à ce commentaire, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Hier, je suis mort au boss de fin. Je pense qu'il devait me rester genre 2 balles à y tirer, là, puis je suis mort de ma dernière vie. Donc, je suis vraiment là... Mais je vais l'avoir, ce jeu-là. C'est pas dur. Là. J'y joue présentement. Je peux pas le sortir de mon Super Nintendo pour vous le montrer parce que mon Super Nintendo est sur pause depuis hier. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Fait que la chronique d'aujourd'hui, des jeux auxquels je joue, ben je joue encore Operation Logic Bomb parce que j'ai pas ben le temps de jouer à autre chose, malheureusement. Puis je veux comme le finir. Tu sais, quand il faut que tu finisses un jeu. Là. Fait que c'est ça qui m'arrive présentement. Chronique Arcane Montréal, il n'y a pas rien de précis ou de grandiose qui s'est passé. Cependant, je veux juste faire des petites annonces vite. On a du Smash, on a un décompte de Smash. On va faire un tournoi de tous les jeux Smash jusqu'à la sortie de Ultimate. Donc, à chaque samedi à partir du 17 novembre, je crois, samedi 17 novembre, on commence avec le 64, puis on va faire toutes les consoles. Donc, quand Ultimate va sortir, on va être rendu à Wii U. Puis après ça, ben ça va vous laisser une semaine pour vous pratiquer, pour venir vous battre chez Arcane Montréal avec notre premier tournoi Ultimate. Et puis, on a 8 manettes Pro Controller, d'ailleurs. Donc, on remercie Nintendo. Et puis, vous allez pouvoir tous vous battre avec ça. Ça va être merveilleux. J'ai vraiment hâte que ce Smash-là soit sur les tablettes. Je pense qu'on a tous hâte. Ça va être vraiment... ultime comme expérience, et puis ça va être le gros party à l'arcade pour ça. Alors, je suis bien hype. Allez voir la section événements de la page Facebook Arcade Montréal. Tout est là-dedans. Donc, c'est le samedi. Puis, je voulais parler aussi de mon bon ami Eric Hébert, a.k.a. DJ Eric, que vous connaissez de par le podcast Geek Collectif. Ça je suis sous fait que je review des reviews de gars chauds qui parlent de jeux. Il est pas tout le temps chaud, par exemple. Et puis, c'est ça, allez voir ça sur Facebook aussi. Eric est admin de plein des groupes Facebook de gaming. Il est partout. Il est all over the place. Et puis, il est DJ chez Arcane Montréal. DJ animateur de tournoi depuis presque le début, dans le fond. Fait comme 2 ans qu'il fait ça. À tous les vendredis, il fait un tournoi de gaming. Fait que là, il a besoin d'un petit break, Eric. Et puis, je le comprends. Il donne vraiment tout le temps son maximum. Puis, c'est vraiment apprécié. Puis, c'est beaucoup grâce à lui que les tournois se sont vraiment imposés à Montréal et puis qu'il y a du monde très puissant qui viennent participer, des casuals aussi, mais tu sais, comme tout le monde participe et puis c'est une belle réussite, là. Donc, je le remercie beaucoup et puis là, il va passer de 4 tournois à 2 et puis on va faire des monthly, donc des tournois mensuels qui vont revenir à tous les mois. Ça va être Street Fighter 5 et puis Mario Kart 8 Deluxe. Donc, à chaque mois, Eric a un tournoi de Street Fighter, un tournoi de Mario Kart. Ça se peut que de temps en temps, on change le Mario Kart pour une version plus rétro. Mais en gros, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des tournois de ces deux jeux-là, il y a des habitués, là. Il y a des gens qui viennent, qui sont dans ces jeux-là. La communauté de Street Fighter vient, ils ont du fun. Lou Gris amène la gang. Fait qu'on veut leur faire plaisir, on va leur donner une place. Et puis, on est tout à fait conscient qu'on n'est pas comme un dojo professionnel de training, de jeux de fighting, puis de course, tout ça. Mais c'est pas le but. Ce que les gens aiment, ce que les gens de ces communautés-là aiment quand ils viennent chez nous, c'est que c'est comme festif. Tu sais, tu prends une bière, tu joues. Il y a de la vraie compétition, mais c'est aussi relax. Et puis, on a bien du plaisir, dans le fond. Fait que c'est une soirée. C'est un vendredi soir. C'est sortir d'un bar un vendredi soir. Tout le monde aime ça. Fait que voilà. Alors, merci beaucoup, Eric. Et puis, pour suivre tous ces événements-là sur la page Facebook de Arcane Montréal, section Events. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook aussi pour être sûr de rien manquer. Des fois, on nous écrit en privé. J'ai raté le tournoi de ci, le tournoi de ça. Fait que c'est la meilleure façon de faire. Je sais qu'il y a d'autres tournois aussi qu'on n'a pas fait depuis un bout, genre NHL et puis des affaires de hockey, mais ça va revenir, ça, inquiétez-vous pas. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on va faire. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai tout un paquet de jeux ici que j'ai acquis cette semaine. Donc, une bonne partie du show va être consacrée à vous présenter ces jeux-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis ensuite, je voudrais parler de jeux vidéo et enfants. Jeux vidéo avec le rapport avec les enfants et tout ça. Mon ami Bruno Georget m'a inspiré, puis je voulais en parler aussi, mais c'est ça. Donc d'abord, je vais commencer avec tous les jeux que j'ai acquis. On nous a écrit chez Retro Montréal un email. On a reçu un email de quelqu'un qui voulait vendre sa collection, ou du moins la majeure partie, pour faire de la place chez eux. Et puis, il y a bien du monde qui se demande pourquoi est-ce que des gens ils vendent leur collection, tu sais? J'en ai parlé un petit peu à mon dernier épisode de chez Papa Cassette, puis des fois, tu sais, tu veux faire de la place. Il y a des affaires qui te tiennent pas vraiment à cœur. T'as pas vraiment besoin de ça. Et puis, tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir une couple de milliers de dollars pour vraiment investir dans quelque chose d'important, de rénovation, whatever. Pour un char, je le répète, les chars, ça perd de la valeur. Donc, ou pour juste réacheter d'autres jeux vidéo que t'aimes plus que ce que t'as accumulé avec les années, tu sais. Donc, c'est ça, nous autres, on a racheté ça. Je suis allé à Gatineau. J'ai fait un beau voyage à Gatineau, aller-retour. Et puis, mon char était bien, bien plein de stock. On n'a pas fini de trier ça encore, mais il y a vraiment du stock. Et puis, j'ai pogné de la neige en descendant. C'était une belle journée, mais au point de vue température, c'était un peu tough. Donc, je vais commencer. Excusez-moi. Je vais commencer avec ce que j'ai gardé du lot qu'on a acheté. Puis c'est un petit peu triste dans le fond. Ce qui m'arrive, c'est que quand on achète des lots, tu sais, je suis dans la vente de jeux vidéo avec Retro Montréal pour aussi pour le plaisir de ramasser des affaires pour ma collection. Puis il y a comme plus grand chose que j'ai besoin. On peut acheter pour genre pour 5 000$ de jeux. Puis tu sais, je vais garder un jeu ou deux genre que je voulais ou que je suis comme ah bon ok, je voudrais ça dans ma collection. Il y a jamais tant de oh bon, tu sais. Ah, je me plains, là. J'ai une collection bien complète, je suis bien satisfait, mais c'est ça. Des fois, je m'ennuie un peu de chasser les jeux NES, là, puis des affaires là, que je veux vraiment, là, que je suis comme, oui, enfin, j'ai ce jeu-là, je vais y jouer pour la première fois. Donc, c'est ça. Donc, la première batch, c'est des petites choses que je garde. Et puis, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de Game Boy, je vous avertis, la petite grise, comme on dit. Donc, on commence avec The Simpsons, Itchy and Scratchy. Mini-golf, manège, je sais pas quoi. Bon, un jeu de mini-potes de Itchy and Scratchy. Ça, c'est un jeu qui a de l'air de rien. C'est un jeu de Acclaim. Tous les jeux des Simpsons sont faits par la semi-intéressante compagnie Acclaim. C'est assez hit and miss, leurs affaires. Donc, je sais pas si c'est bon. J'en doute très fortement. Mais je l'ai gardé parce que ça vaut genre 30$, 35$. Et puis, j'aime ça avoir des jeux qui ont de la valeur. Surtout le Game Boy. Je sais pas, le Game Boy, je suis capable de tolérer d'avoir des jeux pas bons, mais qui ont de la valeur. Je sais pas pourquoi. J'aime aussi posséder des choses qui valent cher. Puis ça, c'est une petite affaire, ça, qui me fait plaisir. Puzzle Quest Challenge of the Warlords sur DS, qui est un jeu somme toute très commun à ce que je peux voir. Ça vaut 5-10$. Et puis, je crois, j'ai même pas regardé le gameplay ni rien. On m'a juste dit que c'était bien, bien bon. Ça a l'air d'être un RPG Candy Crush que tu te promènes sur une map, là, je sais pas quoi. Donc, je vais ajouter ça à ma collection, puis je l'essaierai à un moment donné. Ici, No More Heroes, Heroes Paradise, au PlayStation 3, qui est, je sais même pas si c'est un nouveau jeu ou une compilation des deux jeux de Wii ou whatever, je me suis même pas renseigné. Mais ce que je sais par contre, c'est que ce jeu-là est pas commun du tout, PlayStation 3, puis ça fait partie des jeux qui montent en valeur. Donc, puis c'est assez badass là, la série No More Heroes, on va se le dire. Donc, moi, ça me fait bien plaisir d'ajouter ça à ma collection de PlayStation 3 qui grandit tranquillement. Collection de beaux jeux PlayStation 3. Sur Wii, j'avais pas le collector Super Mario All-Stars 25e anniversaire. Donc, celui-ci est en très, très, très bon état. C'est pas déchiré ici, le collant il est juste coupé. Donc, c'est un beau kit à avoir. Puis, à l'intérieur, tel que mentionné ici, il y a un petit DVD explicatif de l'histoire de Mario, dans le fond. Fait que, donc, ça reprend, je crois, Super Mario All-Stars qui avait au Super Nintendo, finalement. Et puis, avec un petit DVD explicatif. Je jouerai jamais à ça, mais c'est du beau bébé phoque. La Wii, on appelle ça du bébé phoque. C'est du très beau bébé phoque que j'ai chassé et que je vais mettre sur ma tablette. Bien content. Un dossier de réglé. Parlant de bébé fuck et de dossier réglé, j'ai décidé de garder ce Zelda Skyward Sword parce que je l'avais pas. Et puis, j'ai pas vraiment trippé Twilight Princess. En fait, je trippe pas vraiment Zelda 3D, moi, dans la vie. Donc, tu sais, je l'ai pris pour la forme, là, parce que j'avais Twilight. Donc, maintenant, j'ai ça. Mais je voulais pas le collector avec le gros bundle pis tout. Juste ça pour mettre sur ma tablette, ça va être bien correct, bien satisfait. Et puis, pour finir de ce lot, Metal Slug Anthology, là-dessus ça comprend Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis Metal Slug X. Il me semble que cette compilation-là est sortie sur d'autres consoles aussi, genre la Xbox, le premier Xbox et sûrement PlayStation 2. Donc la version Wii n'est probablement pas la plus belle, mais elle va être très belle sur mes tablettes par exemple, parce que j'y jouerai pas. Mais j'aime beaucoup Metal Slug par exemple. Peut-être que je vais y jouer à un moment donné. Mais c'est ça, on dirait que je collectionne plus que je joue ces temps-ci. Ce qui est normal aussi. Collectionner, c'est le fun, hein, je vous le dis. C'est comme une maladie, hein. Faut pas se forcer, mais moi c'est en dedans de moi. Là. C'est 80% du fun, moi, c'est genre placer mes jeux sur mes tablettes, là, puis les replacer comme il faut. J'ai des nouveaux jeux, là je peux les mettre à des places. Là. C'est très anal, là. C'est vraiment une maladie. Là. Je suis fait de même, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Beaucoup d'argent qui passe dans cette maladie-là. Vu que j'étais à Gatineau, dans le fond, avant d'aller chercher ce lot-là, je suis arrêté à la boutique Griffon Bleu, que vous connaissez. Excusez, je vais prendre un petit shot de café. Donc, ouais, la boutique Griffon Bleu, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez, qui est pas mal la boutique de gaming de référence en Outaouais. Boutique physique, d'ailleurs. Un magasin, pignon sur rue. Ça fait longtemps que ça existe. Je sais pas combien d'années exactement. Avant, il était sur la rue Notre-Dame. D'ailleurs, c'est là que je me suis rendu la semaine dernière, puis je me suis rendu compte qu'il avait déménagé. On m'a dit qu'il avait déménagé, mais Dieu merci, pas très loin de là. Donc, à Gatineau, dans un spot, je connais rien de la ville de Gatineau, je pourrais pas vous dire c'est où, même que j'ai eu de la misère à trouver, mais je pense qu'ils devraient mettre à jour leur Google. Mais c'est ça, donc beaucoup de personnes connaissent ce spot-là. Moi, j'y étais allé il y a une couple d'années, puis ils sont tout le temps présents dans les conventions, les plus grosses conventions à Montréal. L'été, si vous allez là-bas, il y a moins de stock parce que tout le gros stock est parti sur la route faire la tournée. Donc, j'ai jasé beaucoup avec le proprio. J'ai oublié son nom. En fait, on ne s'est pas présenté officiellement. Il me semble qu'on m'a dit qu'il s'appelle Martin. Fait que jasé avec lui, puis tu sais, j'essayais de mentionner que j'avais ouvert un bar arcade à Montréal, que je voulais moi aussi une boutique pignon sur rue, puis les vendeurs à Montréal, comment ça marche, tout ça. Puis, il me connaissait pas. Je ne suis pas en train de prétendre qu'on devrait me connaître, là, tu sais, je peux pas une vedette, ouais. Mais, tu sais, mettons, quand tu t'intéresses, mettons, au secteur, qui est dans la gang de la vente de jeux, tout ça, je me suis dit que peut-être qu'il me connaîtrait, tu sais, puis on pourrait comme jaser de pignon sur rue, tu sais, magasin. J'étais prêt à avoir une discussion, moi, là, de boutique, là, tu sais, mais il est bien dans ses affaires, dans le fond. Ses affaires marchent très bien. Pendant que j'étais là, il y a plein de monde qui sont allés vendre des jeux, puis... Il y a du stock qui a pu finir, donc tant mieux pour lui, il travaille fort, puis c'est bien bon. Mais c'était le fun de jaser avec, et puis si vous êtes dans ce coin-là, allez faire un tour, c'est vraiment un must. Il y a une boutique à Hull aussi, une deuxième boutique, mais on me dit qu'elle est vraiment plus spécialisée figurines, comics, puis tout ça, parce qu'il n'y a pas juste des jeux dans ses affaires, il a rentré beaucoup de stuff de ce genre-là, donc voilà. Mais à Gatineau, moi j'ai eu bien du fun. Et puis, on continue dans le bébé fuck avec Blast Works, qui est un jeu qui vaut absolument rien, que vous allez voir partout dans les bins de pharmacie à 5$, puis ça vaut rien pantoute. Mais c'est un shmup basé, dans le fond, c'est un jeu qui est sorti sur PC, et puis ça avait un nom, Kizumi Fighters, quelque chose de même, je me rappelle plus. Et puis, tu détruis des autres vaisseaux, puis là, comme ils volent en éclats, puis là, tu ramasses ces éclats-là pour grossir ton vaisseau, puis tirer. En tout cas, c'est assez fucké, mais la musique est très techno-cool là, de ces années-là. Et puis le graphisme a de l'air nice aussi. C'est une chose très bizarre, mais clairement quelque chose que je veux essayer. Là. Ça, c'est une curiosité, puis c'est mon ami Carl Robert et Termina Slot des Power Chasers qui m'a fait allumer sur ce jeu-là, ce bébé fuck-là. Donc, bien content d'avoir ça. Il était emballé d'ailleurs, je l'ai déballé parce que je veux l'essayer. Mais tu sais, sealed ou pas sealed, cette affaire-là, ça n'a pas de valeur, fait qu'on s'en fout. J'ai ramassé une belle boîte livrée de Gunsmoke au NES. On peut voir ici que la boîte n'est pas parfaite du tout. Mais, à mon avis, ça serait un 7.5 à peu près comme boîte. Et puis moi, ça me convient, ça. T'sais, dans ma collection, là, je trouve ça bien correct, un 7.5 qui a l'air de ça. Parce que je me dis, si jamais un jour je revends tout, ben ça se vend très bien dans cet état-là. C'est dur de vendre des jeux scrap. T'sais, mettons un jeu qui vaut 300$, mais que le label est arraché, là, puis que tu le vends genre 200$ à place parce que le label est déchiré. Même à ça, c'est très difficile à vendre. Donc, j'aime pas trop avoir des affaires brisées dans ma collection. Mais ça, c'est brisé juste correct. Là. Donc, c'est super bon, ce Gunsmoke-là. Moi, j'adore ça. Branchez-vous une manette turbo et puis jouez à Gunsmoke. C'est clairement un jeu qui vaut la peine. Pendant que je vous présente le vieux Capitaine Commando ici sur la boîte que j'aime beaucoup. Ce vieux shaft-là. Très bizarre. Maintenant, Strider au NES, un autre jeu à peu près dans le même état. Un autre 7.5 au niveau de la boîte. J'ai pas le livret par exemple, mais vu que c'est pas un jeu qui vaut hyper cher, j'aurais pas de misère à trouver ça sur eBay, un livret de Strider. J'aimais beaucoup ce jeu-là quand j'étais jeune, je le louais, puis j'essayais de comprendre, puis c'était tough, puis je comprenais pas où aller. Donc encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident, surtout le Triangle Jump. Mais très plaisant, sérieux. Ça, c'est un jeu qui est le fun à rejouer aujourd'hui. Et puis j'en ferai un setup de pauvre peut-être, là, ça me fait penser à ça, j'ai comme envie de faire ça. Et puis là, on peut voir ici la deuxième version du Capitaine Commando, Capcom, Capitaine Commando, avec son petit singe. Je sais pas qu'est-ce qu'il essayait de faire là, dans ce temps-là, Capcom, mais en tout cas, le v'là, C'est pas mal laid tout ça, mais c'est quand même drôle. Et puis, pour finir dans les jeux en boîte, Out of This World. Moi, un de mes amis avait ça quand j'étais jeune, puis j'y avais emprunté, tu sais, on se prêtait nos jeux. Puis man, ça, je trouvais ça vraiment spécial, lugubre, là. C'est un jeu, c'est un grand classique, là. Ça vient du PC, ça s'appelait, sur PC, ça s'appelle Another World. Il y a juste au Super NES, ça s'appelle Out of This World. Et puis, c'est ça, il n'y a pas de pointage ni rien, c'est très animé, Prince of Persia, tu te retrouves, t'apparais dans un monde vraiment weird, là, puis épeurant, puis surréel, puis lugubre au bout, faut que tu t'en sortes, t'es comme en prison, t'as un ennemi, c'est une grande aventure, mais c'est puzzle un peu, faut que tu trouves quoi péter, dans quel ordre, quoi faire, moi j'aime beaucoup, beaucoup ça, ce jeu-là, est venu me chercher. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour ça, c'est de la nostalgie. Mais encore aujourd'hui, j'aime beaucoup jouer à ça, donc c'est clairement quelque chose que je voulais en boîte. C'est les jeux de Super NES, je veux les boîtes et les livrets quand le jeu vient me chercher comme ça beaucoup. Donc c'était bien important pour moi. Puis la boîte a un bon 7.58, un petit sunfade ici sur le dessus, mais c'est pas très grave. Et pour finir, j'ai fait une razzia de jeux Game Boy. J'allais partir sans regarder les catalogues de jeux de petites grises. Donc, il y avait plein d'affaires là-dedans. J'étais vraiment content. J'ai pogné un Buster Brothers. Il y en a peut-être qui connaissent ça sous le nom de Super Buster Bros. Ben, Brothers, Bros, comme Mario, là, dans le fond. Au Super NES, qui est un jeu d'arcade à l'origine. Il y a des bulles qui tombent dessus, toi t'es en bas, tu tires vers le haut, puis ça fait péter les bulles, puis il faut pas que les bulles te touchent, puis il faut tout que tu les pètes, dans le fond. C'est simple de même, c'est super le fun en co-op à l'arcade. Malheureusement, il me semble que la version Super NES se joue seulement à un, puis la version Game Boy est pas mal sûr, ça joue rien qu'à un aussi, donc mais ça, on s'en fout. T'as jamais d'amis pour jouer au Game Boy avec toi, anyway. Donc, très, très, très cool jeu qui vaut à peu près 30$. Ben content d'ajouter ça à ma collection. Zen, The Intergalactic Ninja. La version NES de Zen. Ça, c'est fait par Konami. Puis la version NES, moi, je la voulais vraiment parce que c'était du late release. C'est sorti tard. Et puis, ça avait de l'air vraiment beau, puis bien fait, puis de la belle action, puis tout. Mais finalement, c'est vraiment difficile parce que t'as les niveaux 2D de plateforme, c'est t'as comme un décompte, t'sais, faut que t'ailles vite, puis faut que t'en bas, en haut, c'est pas juste faire un tableau, là, c'est ils ont comme twisté ça d'une façon pas agréable. T'as des niveaux en vue isométrique, un peu comme Isolated Warrior, où est-ce que tu vas, t'sais, comme en diagonale, là. Ça, c'est jamais le fun, ça, non plus, parce que t'as de la misère à te situer dans l'espace, puis c'était mal fait dans ce temps-là, t'sais, la console, là, c'était pas... Fallait pas vraiment faire ça sur le NES, là, c'était pas agréable. Or, j'étais bien déçu, mais la version Game Boy a seulement des niveaux 2D de plateforme que t'as l'air de finir les tableaux les uns après les autres. J'ai regardé du gameplay vite, j'ai pas joué encore. Ça fait beaucoup penser à genre Castlevania, Belmont's Revenge, Skater Die, Baden Rad dans la musique, les pics qu'il y a un peu partout. C'est vraiment là, le même style. C'est très, très, très Konami. Et puis, ça a l'air bien le fun. Bien sûr, vu que c'est au Game Boy, ça va quand même lentement. Mais je pense avoir bien du plaisir avec ça. Ce que j'aime des jeux de Game Boy aussi, c'est de les finir. C'est pas long, c'est plus tranquille, c'est plus smooth comme action. Et puis souvent plus facile aussi, fait que ça te donne un petit sentiment de finir des cassettes, là, tu sais, ça c'est bien plaisant. Donc ça vaut environ 40$ et puis c'est un très bel item. Bien content d'ajouter ça à ma collection. Kung Fu Master, qui est un jeu de Irem, qui a l'air d'être un peu comme dans la technique, comme Kung Fu au NES, que tu fais juste comme donner des coups de pied dans la face puis passer à travers le niveau. Au look, ça a l'air un peu de Bad Dudes aussi, je dirais. Mais on dirait que ça prend le meilleur des deux, là, tu sais. Le gameplay, il a de l'air quand même tight, et puis la musique est bonne, ça va vite. Tu sais, ça a l'air pas pire, ça a l'air pas pire. Je savais que ce jeu-là sortait de l'ordinaire, puis c'était quelque chose, ça aussi, que je cherchais. Ben, que je cherchais, en tout cas, que je me disais que si je tombais dessus, c'est sûr que j'allais l'acheter. C'est maintenant chose faite, il est pas dans le meilleur état, par exemple. Il y aura besoin d'un upgrade éventuellement si j'en vois un pas cher. Ça vaut environ 20$. Très bel ajout. Roland's Curse. Ça, c'est comme un dungeon crawler, si je peux dire, là. Que les niveaux ont l'air de Dragon Warrior ou Final Fantasy ou Zelda, dans le fond, Zelda 1, que tu marches à travers, tu tires des petites balles, tu tues des petits bonhommes, tu ramasses des petites affaires, c'est du loot, et puis j'imagine faut que tu passes tous les niveaux. Tu dois aller dans un village, tout ça. C'est un RPG top-down dungeon crawler, je sais pas trop comment le dire, là. Dans le fond, je pense que vous saisissez. Ça me fait penser un petit peu aussi à Arkista's Ring au NES, dans la façon que ça joue. Donc, à surveiller, hein, ce jeu-là, je pense qu'il monte pas mal en valeur. Ça vaut environ 30$. Et puis, au Griffon Bleu, il y avait Roland's Curse 2 aussi. Il y a un 2 au Game Boy que, loose, juste la cassette, ça vaut peut-être 80$, hein, je pense. Puis j'ai mal checké mes affaires, puis je pense que là-bas, il était bien moins cher que ça. Cependant, il était en pas bon état du tout, comme le label, il était très usé. Parce que dans le temps, quand on sortait les cassettes de notre Game Boy, nos mains frottaient le top du label, comme ça, le top de l'étiquette, pour sortir le jeu. Donc, il y a beaucoup de jeux de Game Boy que l'étiquette est usée dans le haut, ici, toute blanchie. Donc, c'était le cas de Roland's Curse 2. Et puis, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, mais avoir su qu'il était comme une couple de dizaines de piastres en dessous du prix, je l'aurais peut-être acheté. Puis, je me serais trouvé un upgrade éventuellement. C'est pas grave. Si vous passez par là, allez donc l'acheter. Hein. Je vous aurais rendu ce service-là. Ça ici, c'est intéressant. Ça s'appelle Maru. La mission de Maru. Maru's Mission. Là, j'essaie de vous le montrer. Là, clean. Là. C'est probablement la pochette la plus laide du Game Boy. On voit un petit gars qui a de l'air de caillou avec une casquette à l'envers. Il tient un Walkman. Ça n'a tellement pas rapport. Il y a une grosse bébite verte qui tient sa petite blonde, là, dans le fond. Donc, on dirait que c'est sorti d'un livre à colorier pour enfants. C'est vraiment dégueulasse. Et puis, mais il faut pas se fier à la pochette. Ceci est un genre de jeu à la Mega Man, où est-ce que tu es un ninja, puis tu tires des shurikens, là, puis c'est des niveaux de gauche à droite. Et puis, c'est très japonais-esque. Et puis, il y a des dialogues aussi entre les niveaux, puis on a de l'air de... Ça a l'air de beaucoup se promener dans les niveaux. Tu sais, c'est comme dynamique. Tu tombes dans un trou, whoop, t'es rendu dans le monde des morts. Tu savais pas qu'il y avait un monde là, mettons. Tu sais, ça, c'est pas un après l'autre, gna gna gna, c'est fini. Ça a l'air d'être un peu exploratoire comme style de action platformer, dans le fond. C'est bien intéressant, puis j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Ça vaut environ 20$, puis quand j'ai vu ça, j'étais comme « yes ». Moi, je collectionne beaucoup, mais des fois, je veux jouer aussi. Puis même si j'aurais pu jouer en émulateur ou whatever, moi, j'aime ça avoir les vrais jeux, les prendre, puis les mettre dans mon Super Game Boy, puis jouer, puis essayer de le finir. Puis je vais avoir beaucoup de plaisir avec Maru's Mission. Donc, fiez-vous pas à la pochette, c'est vraiment un petit ninja là, qui tire des shurikens badass. Rien à voir avec Caillou ici, là, qui court aux toilettes. Là. C'est vraiment pas la même affaire, pas en tout. Et puis, dernier événement... Il y avait une convention de rétro... Ah, j'oublie tout le temps le nom. Je me sens tellement mal. Rétro... Néo-rétro vidéo. Qui a des jeux vidéo et des jouets. Allez voir la page sur Facebook. Dans le fond, il y a des événements 2-3 fois par année, il me semble. Donc, Jean-François Bibaud, notre ami qui s'occupe de ça. Et puis, là-bas, j'ai ramassé 3 petites choses pour faire un lien avec Maru's Mission. Je veux vous montrer TMNT, les Tortues Ninja au Game Boy Advance. Ça, c'est un jeu de Ubisoft. Je ne sais pas si vous avez joué à Scott Pilgrim vs. The World, qui était le jeu, dans le fond, du film, qui a été produit chez Ubisoft. Et puis ça, c'était comme un beat'em up à la River City Ransom, carrément, avec la musique de Anamanaguchi, excusez. Puis c'était vraiment, c'était super le fun, c'était l'action, c'était super beau. Et puis les gens qui ont travaillé là-dessus, moi je connais entre autres Jonathan Lavigne, ils ont travaillé sur ce jeu de Turtles-là aussi avant Scott Pilgrim. Puis après Scott Pilgrim, ils ont quitté Ubisoft puis ils ont fondé Tribute Games, qui est un studio montréalais indépendant, qui ont fait plusieurs jeux que j'aime bien. Le plus connu étant Mercenary Kings, Flint Hook, et puis à l'origine, il y avait Wizard, Ninja Senki, Curses and Chaos, puis là, je sais qu'ils travaillent sur un nouveau jeu présentement. Or, notez bien que Ninja Senki est un jeu de ninja avec un petit ninja qui tire des shurikens à la Mega Man. Exactement, totalement comme Mario's Mission. Je pense que Jonathan Lavigne, le fondateur, s'est inspiré entre autres de ça pour faire son premier jeu qui était Ninja Senki, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a une version DX qui existe. J'ai joué dans le temps sur la Vita. Faudrait vérifier, là, écrivez-leur ou allez vérifier si Ninja Senki DX est disponible sur les eShop ou allez voir vous-même. Moi, c'est un petit jeu très court, mais vraiment plaisant, satisfaisant d'action de ninja. Or, voilà, donc ces gars-là, ils ont fait Scott Pilgrim. Ils aimaient beaucoup ça, les jeux 2D, puis ils ont quitté Ubisoft, ils ont fondé Tribio, puis ils ont continué à faire des jeux 2D. En pixel dans le fond. Donc c'est leur créneau. Et puis ce jeu de Turtles là, supposément que c'est pas mal un des meilleurs après sinon le meilleur après tous les classiques qu'on connaît tous. C'est un beat'em up 2D là, ça ressemble, ça a l'air d'être vraiment très classique à ce niveau là. Beaucoup de choses qu'on peut faire, de la musique, des cris, de la puissance d'un tortue, là, ça c'est bien plaisant. Moi, personnellement, les jeux de Turtles, j'aime le 1 au NES. J'ai appris à aimer beaucoup ce jeu-là, maintenant que je suis grand et je suis capable de jouer. Le 2, ben, c'est le 2, puis le 3, c'est bien correct. Turtles in Time, on s'entend tous pour dire que c'est excellent. Je vais mettre Hyperstone Heist là-dedans, la version Genesis, parce que c'est la même affaire. Tournament Fighter, c'est bien. C'est très bien, ce jeu-là, au Super NES. La version NES, je n'ai pas vraiment essayé, mais c'est une cassette qui vaut cher. C'est pas mal tout ce qu'elle a à offrir. Les jeux de Game Boy, les deux premiers, sont très, très, très courts, très faciles. Le troisième, il est très, très, très, très long, très, très compliqué. C'est des labyrinthes, c'est vraiment pas plaisant. J'ai pas aimé ça. Ils ont fait un Reshelled dans le temps de la PS3, me semble, Turtles Reshelled. Et puis ça, c'était supposé être un remake de Turtles in Time. Mais pourquoi tu ferais ça dans la vie? C'était pas bon, ils ont manqué plein d'affaires. Moi, j'ai détesté ça. Laisse les classiques tranquilles, ne fais pas ça. Puis, cette version-là est sortie sur Game Boy Advance, TMNT, et puis est sortie aussi sur PlayStation, Xbox, et puis toutes les autres affaires. Mais là, ils ont rajouté de la dimension, bien sûr. Là, c'est comme 3D, 2.5D. Puis, je crois que c'est pas mal, pas bon. Mais ça, c'est classique, arcade, action, bien faite par des gars qui aiment ce style-là. Donc, j'étais bien content d'ajouter ça à ma collection. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres jeux de Turtles qui sont sortis, mais je n'y ai pas joué personnellement, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais ça, c'était, disons, le dernier jeu de Turtles que je voulais, là. Le plus récent jeu de Turtles que je voulais dans ma collection. Puis j'ai bien hâte de l'essayer. Pour être dans Game Boy encore, Metal Masters, un jeu de bagarre de robots. Ça vaut 50$ cette affaire-là. J'ai fait un échange, plus de l'argent à un gars pour avoir ça. Donc, encore une fois, j'aime avoir des jeux de Game Boy qui valent cher. Ça a l'air pas pire. Tu te montes un robot, puis c'est comme la boxe de robot du combat, un contre un. Et puis, tu upgrades des parties de ton robot, tout ça. Donc, d'Electro Brain. Ça a l'air assez méta, tout ça. Je sais pas si je vais aimer, mais je vais aimer l'avoir dans mon cartable, ça, c'est sûr. Et dernier jeu pour aujourd'hui, The Terminator au Sega CD. Je commence tranquillement à collectionner le Sega CD. Tommy Tallarico lui-même, monsieur, dorénavant monsieur Intellivision, a fait la musique sur ce jeu-là. Et la musique est vraiment, vraiment bonne. C'est un action platform, run and gun platformer dans le fond. Et puis j'ai joué juste un petit peu, là, mais je trouvais ça bien dynamique, bien trippant, c'était bien fait. Et puis, d'après moi, c'est un must là, dans une collection de Sega CD. Puis, c'est ça, la musique de Tommy Tallarico, qui est Video Game Live, c'est lui. Puis, bon, j'en ai déjà parlé, là. Donc, tu sais, je trouvais ça le fun qu'il ait fait la musique pour ce jeu-là. C'est même pas Terminator 2, là, c'est le premier, là. Donc, voilà. Ça vaut, d'après moi, une bonne centaine de dollars. Et puis, ça coûte cher, les bons jeux et beaux jeux de Sega CD. Mais je suis bien content de l'ajouter. Là, tranquillement, c'est mon deuxième jeu de Sega CD. J'en veux pas 1000, là, j'en veux peut-être une dizaine. Donc, c'est ça. Alors, tout ça m'a coûté très cher. Mais pas tant que ça, parce que j'ai vendu toute ma section de TurboGrafx-16. Donc, j'ai récupéré beaucoup d'argent avec ça. Tout ça m'a peut-être à peu près rien coûté, là, dans le fond. Donc, ça, c'est kiff-kiff, comme on dit. Donc, une petite gorgée de café avant de continuer sur les enfants et les jeux vidéo. Café froid, hein, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai deux enfants, deux garçons, un de 10 ans et un autre de 5 ans qui va avoir 6 dans un mois à peu près. Et puis, personnellement, même si moi je suis fou malade dans les jeux vidéo, je tiens pas vraiment à ce que mes enfants soient là-dedans. T'sais. C'est pas parce que moi je suis là-dedans que toi, mon petit gars, tu vas être là-dedans. Je laisse mes enfants bien, bien libres de choisir avec ça. Je les empêche pas de fouiller là-dedans ou d'être curieux, mais je vais pas leur dire non plus, hey, joue à des jeux vidéo, c'est le fun, tu sais. Parce que, autant que j'aime les jeux vidéo, je trouve aussi qu'ils font, ils peuvent faire un peu de ravage là, chez certains enfants qui peuvent être plus à risque ou qui auraient peut-être besoin de d'aide par rapport à la comment dire, je sais pas quel mot prendre exactement là, mais je sais que dans la vie les jeux vidéo sont un échappatoire. Moi, pour moi aussi, ça me permet de m'évader. Et puis, tu sais, je suis dans ma bulle, je suis bien. Quand j'étais jeune, c'était ça aussi. Pendant que je joue, j'ai comme aucun autre tracas autre que juste me concentrer sur cette chose là que j'aime. En plus, quand le jeu il est bon, c'est bien fait. Ça donne un feeling, tu sais. Mais dans mon temps, il n'y avait pas des jeux de il n'y avait pas d'Internet, premièrement. Fait qu'il n'y avait pas des jeux online puis des vastes campagnes de ci, de ça. Tu sais, on faisait juste jouer à notre jeu, quand on était tanné, on le fermait. Donc, c'est bien difficile. On peut pas vraiment exactement faire une corrélation entre nous. Je vais avoir 40 ans. Ben, 39, mon proche de 40. Nous, quand on était jeunes et les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, la game est ben trop différente. Puis, dans notre temps, les enfants qui pouvaient avoir des problèmes d'aspect social ou de qui avaient de la misère à se mélanger avec les autres ou qui étaient un petit peu plus dans leur monde, pouvaient pas s'évader autant dans les jeux vidéo qu'aujourd'hui, là, t'sais. Donc c'est bien différent à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut faire du ravage. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui ne plus jamais sortir de chez eux parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. Des jeunes qui veulent pas socialiser, qui veulent pas voir le monde extérieur parce que ça leur fait peur, parce qu'ils sont pas habiles, parce que ils se font intimider. Quand tu joues, ben t'es quelqu'un. Donc il y a ça, t'sais. Moi je suis pas. J'adore les jeux vidéo, mais je suis très old school, puis je pense qu'il faut faire, comme tout, il faut faire attention à ça. Et puis, il faut, en tant que parent, il faut garder un œil là-dessus, c'est très important. Tu veux pas l'échapper, là, tu sais, tu veux pas que ton enfant se perde là, pour toujours là-dedans. Donc, nous, de notre côté, si je parle de mes enfants eux-mêmes, mon plus jeune, il a 6 ans, donc il est pas vraiment, il game pas vraiment, là, il regarde la tablette, des affaires de même, des petits jeux. Il aime beaucoup les choses qu'on pourrait dire de filles. Je veux pas paraître sexiste ou whatever, mais je manque de mots pour le dire autrement. Donc, tout ce que les filles aiment en majorité, comme les princesses, et puis tout ce qui est comme très théâtral. Tu sais, il y a des amis de gars, mais ils jouent pas à des affaires de petits gars, là. Tu sais, ils jouent avec les filles, des pièces de théâtre. Beaucoup, beaucoup de princesses jouent à la famille, le maquillage, les dessins, les arts. Je sais que tout le monde peut tout faire, mais on s'entend que dans la vie, il y a des stéréotypes qui se créent. Ils ne se créent pas pour rien, les stéréotypes, c'est parce qu'il y a quand même des majorités d'ici. On peut faire comme des liens, là. Tu sais, je suis en train de dire, là, qu'un petit gars ou une petite fille qui aime les camions, partez pas en peur, mais moi, mon petit gars, on lui a acheté une maison de poupée à Noël, là, t'sais, pis il va être super content, là. Il a plein de Barbie, et puis ça le fascine, puis ça, c'est son univers, puis moi, je peux pas jamais que je vais comme l'enlever. Je vais jamais y enlever ça, je joue avec des G.I. Joe! Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du bonheur dans son petit cœur, puis quand il est dans ses affaires-là, puis qu'il est comme... puis il s'invente des trucs, tout ça, je me dis qu'il est sa bonne voie, là, t'sais. Or, ce petit gars-là, il est pas très gamer. Par contre, il aime beaucoup regarder les pochettes de mes affaires, les dessins, tout ça. Comme moi, moi, j'aime beaucoup collectionner pour ça aussi. Donc ça, c'est très cool. Alors, j'ai pas vraiment de problème de jeux vidéo par rapport à lui. J'ai juste des problèmes d'ordre généraux comme « OK, c'est fini la tablette, là, faut faire quelque chose. » Donc ça, c'est, je pense, c'est pour tous les parents. Mais mon plus vieux ne s'intéresse aucunement à genre l'histoire complète des jeux vidéo qu'il y a dans la maison ici. Il s'en fout, il veut même pas que j'y en parle. Des fois, il y a des amis, il y a comme de ses amis à lui qui viennent à la maison. Moi, je dis « Hey les gars, je vous fais une petite clinique de jeux vidéo. Là. Je vous explique les pochettes de si, l'intellivision, Castlevania. » Mais tout le monde dit « Ah ouais, c'est bien ça. » Mais lui, là, il veut rien savoir. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Puis il serait capable, là, il pourrait jouer au Game Boy Advance à des genres de petits jeux pas trop compliqués ou bien au DS, tu sais, parce qu'il, mettons, il joue Pokémon sur 3DS, il a fini le jeu, tout ça. Je dis, hey, t'es capable de jouer à ça, tu serais capable de jouer à ça. Il veut rien savoir. Donc, il a joué Pokémon 3DS, et puis FIFA, jeu de hockey, jeu de soccer, that's it. Ah, Smash puis Mario Kart sur Wii U puis Switch, là. Mais mettons, c'est pas ça qu'il fait en premier, là, tu sais, lui, c'est le sport, là, avant tout. Et dernièrement, bien sûr, il a commencé à jouer à Fortnite. Donc, je voulais parler de ça parce que mon ami Bruno Georget est allé au podcast Cordes Sensibles pour parler de la relation pour parler de la relation Fortnite dans sa famille à lui par rapport à son petit gars de 6 ans. Et puis, vous allez voir ça, Cordes Sensibles, dans le fond, Bruno Georget. Il en parle pendant très longtemps. Écoutez pas juste le trailer. Il y a des gens qui ont juste écouté le trailer du podcast et puis là, c'est comme... Faites pas ça. Soyez pas désagréable de même. Écoutez le truc au complet. Puis là, vous allez voir que c'est bien intéressant. Donc, je pense que c'est différent pour tout le monde, cette histoire de Fortnite-là. Nous, ici, on a... Mon plus vieux, il va pas tant vers les gens. Il est très, très timide, très tranquille. Puis il joue au hockey, tu sais, comme depuis 6 ans. Puis il est dans la chambre de hockey. Mais dans la chambre de hockey, il est très discret. Il rit des jokes, il parle un petit peu. Mais si tu lui parles, on est comme ça. À la maison, par exemple, il nous donne bien du trouble, mais ça, c'est autre chose. Il crie, il bat son frère. Mais comportement normal. Mais comme dehors, dans le monde, il est très timide, tu sais. Des fois, on voudrait aller loin. Parle aux gars dans la chambre d'hockey, raconte-leur ta fin de semaine. Ah oui, ils parlent d'une affaire que t'aimes. Embarque en discussion tranquillement, tu sais, comme. Mais c'est ça, tu sais, il est pas vraiment comme ça. Fait qu'on essaie juste de le pousser un peu pour qu'il socialise plus pour pas qu'il soit rejeté. Mais étrangement, il est pas rejeté, hein, mais le monde va beaucoup vers lui. Je me demande bien pourquoi, parce qu'il parle pas. Mais cela dit, c'est nous les parents qui avons dit hey, tente-tu de lâcher FIFA et d'essayer Fortnite? C'est gratuit sur Switch. C'est nous, les fous, qui avons rentré Fortnite dans la maison pour mettre ça entre les mains de mon garçon. Et puis, on voulait ça pour l'aspect social de la chose. Parce que tout le monde joue à Fortnite, on s'entend presque, tout le monde. La grande majorité de gens d'enfants jouent à Fortnite et puis le jeu est disponible sur toutes les plateformes. Or, il y a des amis au hockey qui jouent à Fortnite, il y a des amis dans sa classe qui jouent à Fortnite, il y a des voisins dans notre voisinage qu'on connaît et qui connaît, qui jouent à Fortnite aussi. Fait qu'on a voulu rentrer ça ici comme outil de social, pour socialiser. Ils se rencontrent, ils disent « Ok, samedi matin, nanana ». Puis nous, ils ont juste le droit de faire des jeux vidéo et des tablettes la fin de semaine. Puis il y a comme un temps limite, là, dans le fond. Souvent, le temps que nous autres, on dort, puis on se lève, puis après, c'est terminé. Donc, on peut dormir. Ça fait du bien. Mais c'est ça. Puis oui, Fortnite est un jeu violent, puis moi-même, quand je regarde ça, je suis comme « My God! » Tu sais, les gens disent « Ouais, mais c'est pas grave, là, il y a pas de sang. » Non, il y a pas de sang, mais tu fucking tues du monde, puis tu ridiculises du monde, le gars. Il est à terre, il rentre, puis tout le monde danse autour, puis il l'humilie, puis il le tue, là, tu sais. Je suis désolé, mais c'est fucking violent, là, Fortnite, là. C'est pas... Il y a des guns là-dedans, là. Mon fils, il m'explique les guns, tu sais. Ah, il connaît ses guns maintenant, les snipers, les mitraillettes, les ci, les ça, les pistolets automatiques. Parce que, là, je suis comme, ouais, OK, tu sais. Mais moi, quand j'étais jeune, on avait un super écran à la maison, puis mes parents me laissaient pas mal écouter tous les films qu'eux, ils écoutaient. Fait que j'ai écouté trop tôt ben les affaires, tu sais, comme ben du monde aujourd'hui, je crois. Et puis, cela dit, je suis pas viré fou. Mais je me souviens pas d'avoir eu un certain contrôle appliqué sur moi par rapport aux jeux vidéo ou la violence. T'sais, j'écoutais Young Guns 2, là, le western, avec Emilio Estevez, puis là, je tripais cowboy, je voulais des guns, je voulais tellement des guns. J'en avais des jouets, fusils, puis ici, il n'y en a pas, il n'y a rien de tout ça. Mais moi, j'ai été beaucoup exposé à la violence des films, et puis bon, les jeux vidéo, autant violents qu'ils pouvaient être dans ce temps-là, c'est-à-dire très peu. Puis, je ne suis pas viré fou ni violent, je pense. Je suis bien chill. Mais ben, je pense qu'être un humain assez balancé. Or, aujourd'hui, si c'est juste Fortnite, tu sais, à 10 ans, je sais qu'il y a des guns et tout ça, mais je trouve ça quand même pas si pire. Là. Mon fils, il, quand on lui dit de fermer ça, ben, d'abord, ma blonde a eu une petite éducation à avoir par rapport à Fortnite qui fait que tu peux pas juste fermer ça. T'sais. C'est des games, c'est des battle royale. Tant que t'es pas mort, tu peux pas comme juste quitter. Là, t'sais. Ben, tu peux, mais on s'entend. Là, t'sais, c'est comme un peu plate. Donc ça, c'est correct, on a mis ça à jour. Quand on dit c'est terminé, ça veut dire fini ta partie, puis après tu le fermes. Et il l'obtempère quand même. Il est pas comme oh, une dernière game, moi je pense que tu es quelqu'un. Je pense qu'il est pas nécessairement bon à Fortnite. Il reste beaucoup en périphérie, puis il fait pas grand chose. Mais il est pas là-dedans, il en rêve pas, quoi qu'il s'est acheté une petite figurine, tout ça. Mais je pense que ça l'aide. Ça l'aide à socialiser. Ça l'aide à... Je vois qu'il aime ça, puis c'est correct, puis il aime ça dans la période qu'on lui dit qu'il a le droit d'aimer ça. Ça déborde pas partout. Il fait pas semblant de tuer du monde dans la rue, puis tout ça, tu sais. Des choses qu'on faisait nous-mêmes quand on écoutait les fucking G.I. Joe, là. On écoutait G.I. Joe, nous autres, là, du monde qui tue du monde à tous les matins. On écoutait ça. Il y a plus de ça aujourd'hui. Donc, tu sais, le niveau de violence... est beaucoup moindre dans notre maison qu'il l'était dans notre maison, dans ma maison quand j'étais petit. Or, je pense que c'est bien balancé à ce niveau-là. Mais je crois par ailleurs que c'est bien important pour tous les parents de surveiller quel type de jeux vidéo vos enfants consomment. Tu sais, Call of Duty, je veux dire, il y a un âge pour commencer à jouer à ça. Puis c'est bien important de respecter ces affaires-là. Souvent, on utilise les jeux vidéo pour avoir la paix, hein. Puis ça, je peux le comprendre. Des fois, t'as des choses à faire. La fin de semaine, c'est bon, ben OK, tu peux jouer une heure, là, faut que je répare le balcon, là, tu sais. Les affaires de même. Mais faut pas juste comme les laisser là, se garrocher sur n'importe quoi. Ça prend un contrôle. Ça prend un contrôle d'Internet. Faut s'intéresser à ce que nos enfants consomment. Ben, je m'intéresse, mais je regarde pas tout. Mais des fois, je regarde un peu, je suis comme, wow, il me semble que ça marche pas, là. Tu sais, ce YouTuber-là, écoute-le pas. D'ailleurs... Il y en a tellement des YouTubers, là. C'est fou comment est-ce que les enfants écoutent ça. Salut les enfants qui m'écoutaient à la maison. Mais ouais, non, ça c'est une autre affaire, faut surveiller ça aussi. Des fois, il y a des mauvais mots là-dedans, des affaires comme ça. Donc, j'essaie moi-même de pas trop en dire ici. Mais voilà. Alors oui, il faut s'intéresser à ce que nos enfants consomment et puis avoir un certain contrôle. Par ailleurs, il faut leur laisser un peu de liberté aussi. Et puis, c'est vraiment une affaire de good parenting, là, dans le fond. Soyez des bons parents et puis surveillez ça comme il faut. Fortnite n'est pas que mauvais. En ce qui nous concerne, ici, chez nous, puis chaque... C'est unique, c'est différent dans chaque maison. Ça fonctionne bien. Et puis, tant mieux. Si ça dégénère, on va prendre... Je vais le mettre sur Megaman. J'ai fini Mega Man 2 à ton âge, mon petit gars. T'es mieux de le faire, toi, avec. Faire de lui quelqu'un de solide, là, tu sais. Donc, on va prendre... on va faire ce qu'il faut si jamais il y a un problème, là, tu sais. Mais pour l'instant, ça va. Mais soyez intéressés parce que vos enfants consomment. C'est bien, bien, bien important pour pas faire des petits bums, hein? Donc, voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez... Si vous voulez acheter des jeux vidéo, allez sur retromtlgames.com ou allez voir notre page Facebook RetroMTL, boutique en ligne très, très, très active et puis ça va super bien. Continuez à nous acheter des jeux, tout ça. D'après moi, faudrait qu'on ait un pignon sur rue fin mars, d'ici fin mars 2019. Parce que on va excaver mon sous-sol et puis il faut tout que je vide ma maison. Du moins une bonne partie. Donc ça va être le bordel total. Or, faut que cela soit sorti. Fait que ça va nous donner un coup de pied dans le cul à genre s'organiser pour peut-être mettre de quoi sur pied. Donc à suivre. Donc Retro MTL, écoutez le podcast Balado Diffusion Rétro Nouveau. Rétronouveau.ca, dans le fond, tout est là. On fait ça depuis 2011. On parle de jeux vidéo next-gen, rétro, des tops, des chroniques, des critiques, On fait ça depuis 2011. Il y a des vidéos en masse. Man, on a du contenu, c'est fou. Suivez ma page Papa Cassette pour tous les développements de mes projets. Je remercie fortement RDS pour de me permettre de faire ça. Et puis RDS Jeux Vidéo sur Facebook. Joignez ce groupe. RDS est sur le bord d'exploser. C'est merveilleux. Donc, on vous tient au courant là-dessus. Et puis, allez faire le party chez Arcade Montréal au 2031 rue Saint-Denis, l'unique bar arcade à Montréal. Et puis d'ailleurs, pour conclure, j'ai une dernière acquisition que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai acheté pour Arcade Montréal. C'est pas beau ça, hein? On va mettre ça à l'entrée, ça va vous donner de la chaleur dans votre cœur. Donc, merci à tous et à très bientôt.